passe tout de suite la parole à Christophe Leroux. Bonsoir, donc comme il vous a dit tout à l'heure, je vais être obligé de partir vers 18h25, 18h30, si vous, je vous prie de m'en excuser. Donc si je suis ici, j'imagine que c'est en partie parce que je suis un élu d'un conseil d'administration, l'Université de Bordeaux 3, et aussi un membre de la direction nationale du SNESUP, et donc c'est à ce double titre en quelque sorte que je suis là, et aussi sans doute comme vous tous, c'est-à-dire que comme un universitaire qui croit un petit peu à la collégialité et qui se retrouve au hasard des calendriers électoraux des universités dans un conseil d'administration où petit à petit il apprend sans aucune formation, ça vient d'être dit, un petit peu le mécanisme interne des universités, un vocabulaire parfois qui nous semble un peu jargonnant dans lequel souvent les personnels administratifs semblent, je dirais, semblent nager comme des poissons dans l'eau alors que nous on est rapidement perdus et donc on a toujours cette tentation qui est un risque pour la collégialité de déléguer au personnel administratif toutes ses compétences parce qu'on se dit bah, finalement nous on n'y arrivera jamais puis après tout le cœur de notre métier comme on dirait dans l'entreprise, enfin pardon dans l'université, c'est l'enseignement et la recherche donc à partir de ce moment là tout ça autant s'en débarrasser le plus vite possible. Alors peut-être pour commencer, je commencerai par justement les petites joies que réserve la participation à un conseil d'administration. Et je prendrai comme exemple celui du 18 décembre à Bordeaux 3, où nous votions le budget. Et la nouvelle agent comptable nous a présenté tous les mérites de la comptabilité analytique, etc. On avait des beaux camemberts exposés en PowerPoint, parce que ça fait aussi partie des joies des conseils d'administration. Donc on est évidemment encore plus, gêné d'intervenir face à tant de données qui nous arrivent dessus, parce qu'en général les documents vous sont transmis un à deux jours avant la tenue du conseil d'administration. Et puis arrive un dernier camembert qui était censé nous démontrer véritablement les mérites de la comptabilité analytique pour vous montrer comment on dépensait l'argent à Bordeaux 3. Et donc on a vu, pardon d'avoir oublié les pourcentages, j'en ai gardé en mémoire un seul, donc on dit licence, c'était le plus gros poste, tant pour cent des dépenses, master tant de dépenses. Puis tout d'un coup on voit une petite, vraiment quelque chose de dérisoire sur ce camembert, 1%. Et c'était diffusion du savoir. Alors, je me suis un peu inquiété en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce 1%? J'ai craint qu'un contribuable malencontreux soit présent à la salle en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette université qui ne consacre qu'1% de ses ressources à la diffusion du savoir? Je commence par là pour montrer justement à quel point un simple regard technique, parce que j'imagine que ça correspond à une catégorie tout à fait intelligible et peut-être même intelligente de la comptabilité analytique, mais du point de vue de l'élu conseil d'administration enseignant-chercheur, l'idée qu'on puisse comme ça réduire à 1% et même quelques pourcents que ce soit hormis 100 la diffusion du savoir dans une université, ça fait sourire, mais en même temps je crois que ça permet de mesurer tous les enjeux qu'il y a derrière à travers justement ce qui nous paraît à nous au départ comme étant des éléments techniques, une nouvelle façon en quelque sorte de compter ou de mesurer, alors que derrière se cachent des outils qui pourraient très rapidement se retourner contre nous. Je vous laisse imaginer hein, si un journaliste malencontreux de TF1, par exemple, tomberait sur ce 1%, vous voyez tout à fait le reportage qu'on pourrait faire en disant qu'est-ce que c'est cette université de Bordeaux 3 qui ne consacre qu'un 1% à la diffusion du savoir. Et c'est effectivement un document officiel affiché. Donc vous voyez là, c'est presque sous la forme de l'anecdote, mais je crois que ça montre bien que derrière tous ces éléments, il y a des enjeux, et il y a des enjeux de vocabulaire. C'est peut-être par là que je vais commencer. Alors, comme d'autres choses, l'autonomie de l'université, ce sont les présidents qui en parlent le mieux, vous le savez. Donc, j'ai pris, vous avez dû sans doute le recevoir, un document merveilleux qui s'appelle Autonomie de l'Université de Franche-Comté, acte 1. Et donc, c'est Claude Condé, président de l'Université de Franche-Comté, qui célèbre le passage de son université aux responsabilités et compétences élargies. Alors, c'est vraiment, je vous conseille de lire cette première page, c'est relativement court, mais c'est vraiment que du bonheur. Puisqu'il nous apprend ainsi que ce n'est, je cite, ce n'est que sous la pression que la mesure, c'est-à-dire la possibilité de passer aux responsabilités et compétences élargies, a été étendue à l'ensemble des universités. Donc je ne sais quelle pression il évoque ici, mais donc il se félicite que finalement il aurait eu un mouvement dans les universités qui aurait demandé à ce que ce statut merveilleux de responsabilité et compétences élargies, qui au départ a été réservé à quelques universités d'élite, soit enfin accordé à toutes les universités, puisque vous le savez, par les miracles de la démocratie universitaire, toutes les universités doivent passer aux responsabilités et aux compétences élargies, mais en les votant. Ça s'appelle du centralisme démocratique, mais ça nous semble tout à fait normal dans une université d'avoir à voter quelque chose qui est imposé, puisque finalement, à chaque fois, on nous dit vous n'avez pas le choix, la date limite est le 1er janvier 2012. Donc, il se développe une sorte de course à l'échalote qui consiste à justement ne pas être le dernier à y passer et montrer qu'on est plus fort et qu'on va y passer avant. Et ça vient dans le premier point de vocabulaire, c'est tout ce qui concerne cette aptitude à passer. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une volonté dans le vocabulaire de nous dire qu'en quelque sorte, il y a ceux qui traînent. comme dirait Philippe Jacquet dans Le Monde, les facultés de sciences humaines qui sont toujours à la traîne, qui ne sont pas passées aux responsabilités et compétences élargies, puis ceux qui ont pris le virage de la modernité, qui savent, au fond, identifier les enjeux et qui vont être aptes. Et donc, à chaque fois qu'on vous présente ce passage aux responsabilités et compétences élargies, c'est toujours mis sur ce plan-là positif avec une sorte de préparation, avec un jargon sportif qui maintenant est devenu une sorte de mode absolu. Là, on se prépare et on va gagner la compétition qui se présente à nous. Alors, ce qui est très intéressant, parce que quand on se demande si on est apte à passer au RCE, on pourrait aussi se demander si on est tout simplement, avant même de passer au RCE, si on est apte à remplir nos missions, qui sont celles reconnues par la loi LRU, à savoir l'enseignement et la recherche en premier lieu. On pourrait par exemple regarder le taux d'encadrement, à la fois administratif et des personnels. Alors on va s'appuyer pour le faire sur un rapport du Sénat, vous voyez, c'est des sources officielles, juin 2008, qui compare la France avec les pays de l'OCDE. Et là, on y apprend que dans les pays de l'OCDE, pour un enseignant, on a deux personnels administratifs, et pour la France, on a deux enseignants pour un personnel administratif. Donc vous voyez, en bon gestionnaire sans doute que vous êtes, vous vous diriez, commençons par régler ce problème. C'est-à-dire, commençons par régler le sous-encadrement administratif qui est criant, qui est mesuré, qui est connu, pour éventuellement imposer de nouvelles charges administratives, comme ça vous l'a été précisé tout à l'heure, en modifiant le statut, puisque ce statut nouveau implique des charges nouvelles, donc du travail en plus, donc des recrutements nouveaux. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui dans l'université, on muscle, comme on dit, vous voyez, en ce vocabulaire, la DRH, les services financiers qui sont de plus en plus musclés, pendant que dans nos UFR et ailleurs, nous manquons de personnel et nous pleurons pour essayer de recruter des CAE, des CDD ou des CDI, puisque ça fait partie des joints de l'université. Donc ça, oui, c'est un fait en quelque sorte. Et le jeu de vocabulaire permet de l'oublier pour se dire qu'il y a un nouvel enjeu, en quelque sorte, à dépasser. Ce nouvel enjeu, c'est être responsable et être compétent de façon élargie. Et donc, on met de côté les problèmes récurrents de l'université que tout le monde connaît, qui devraient être les premiers dossiers à traiter par tout gouvernement digne de ce nom. Puisqu'ils ne cessent de dire qu'ils vont s'occuper de l'université, parfois on souhaite qu'ils s'en occupent le moins possible, ben, ce serait de régler ces problèmes. Alors, à l'université numéro 3, grâce au bilan social, nous avons même découvert que nous, c'était encore mieux, puisqu'on était à 72% d'enseignants, sur le total. Alors c'est passé en CTP, donc Comité Technique Paritaire, et un certain nombre d'organisations syndicales BIATOS ont fait cette remarque de bon sens en disant bah, finalement il y a un peu trop d'enseignants à Bordeaux 3, puisqu'en pourcentage ça marche, et donc à chaque départ à la retraite, ils ont dit qu'il serait bon d'envisager éventuellement de transférer le poste d'enseignement au poste BIATOS pour revenir aux 66% qui sont notre norme française. Vous savez que nous tenons notre identité française. Alors, ça, c'est le premier point pour l'aptitude. La même chose pourrait être dite pour l'autonomie. L'autonomie, c'est une vaste blague, puisque cette autonomie, elle est reconnue depuis la loi Faure, la loi de 84, Savary également la reconnaissait, et la loi dite LRU, évidemment, ne comporte pas spécifiquement de mention à l'autonomie, c'est donc d'autres choses que l'on parle, mais vous avez une sorte de mur médiatique qui ne cesse tous les jours de dire qu'il y a X universités qui sont passées à l'autonomie. Alors là, on se dit ben vraiment qu'on a à peine à comprendre les traîneurs qui refusent d'être autonomes alors que leur temps les bras, en quelque sorte, il suffit de voter au CA, comme on nous dit de voter. Or, en réalité, quand on le regarde, c'était un petit peu dit tout à l'heure, cette responsabilité, ces compétences élargies, ben, vont de pair avec des contrôles qui peuvent se révéler tatillons, tatillons de la part du recteur. Alors, pour éviter de donner l'impression que justement, un discours critique et syndical, je vais citer François Paqui, président de l'Association des secrétaires généraux et secrétaire général de Paris Décrète. Non, excusez-moi, je me trompe de citation. C'est la réponse de la CPU, mais ça revient au même, qui, dans un courrier adressé à M. Bernard Belloc, conseiller donc, du président de la République, eh bien, disait que dénoncer la mise sous tutelle des universités, la vérification tatillonne du contenu et de la rédaction des délibérations, le contrôle minutieux sur les emplois. Donc derrière l'autonomie, dans la pratique, se cachent en réalité des contrôles, alors qui vont évidemment avec la responsabilité et les compétences élargies, mais vous voyez comment derrière l'autonomie, on se dit l'autonomie, on fait un peu plus ce qu'on veut. En réalité, derrière, c'est au contraire des contrôles, c'est-à-dire qu'on est autonome à partir du moment où on va dans le sens du gouvernement. Et donc on sera d'autant plus autonome que l'on créera des emplois précaires, parce que c'est de cela qu'il s'agit, comme on va y venir. Autre fiction du vocabulaire, c'est la question du budget. C'est-à-dire qu'en intégrant la masse salariale, en gros, on multiplie par 3 le budget des établissements. C'est le cas à l'EHESS, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas aussi en Franche-Comté. Alors, on dit, mais c'est formidable. En un vote au CA, on multiplie par 3 le budget sur l'établissement qui est contre. Bon, évidemment, vous savez bien que c'est un jeu comptable. Il s'agit juste pour l'instant. C'est un jeu comptable qui consiste à intégrer une masse salariale pour faire un budget global, mais il n'y a pas un centime d'euro supplémentaire. Donc, on ne peut pas dire que ça accroît le budget, mais c'est un jeu comptable. Alors, malgré tout, alors je pense qu'ils n'ont pas fait exprès, mais malgré tout, il y a des petites augmentations de budget liées à des évolutions dans le personnel au cours d'une année. Un départ à la retraite, un collègue qui mute, etc., au cours de l'année, eh bien, sa masse salariale qui est restante, elle est dans le budget, et donc apparaît à la fin de l'année une sorte de petit reliquat pour l'Université de La Rochelle, pour un ordre de grandeur, c'était 350 000 euros. Comme le ministère est malin, quand ils ont chacun été négocié leur petite prime de récompense pour passer au RCE, ben le ministère a commencé par lui dire ben « Nous, on a bien calculé que ça fera 350 000 euros. » C'est-à-dire qu'en gros, on vous donne ce que vous avez déjà par ce simple jeu comptable. Alors, il a bien négocié puisqu'il a eu finalement 600 000 euros. Mais vous voyez bien que ce sont évidemment des clopinettes par rapport à des budgets qui dépassent 100 millions d'euros. D'autant que ce passage aux responsabilités et compétences élargies entraîne des charges financières nouvelles. On nous a parlé tout à l'heure de la certification des comptes, mais dans notre cher monde, rien n'est gratuit, donc la certification des comptes, ça se paie. Alors à peu près 1% du budget, donc pour une université comme Bordeaux, c'est autour de 100 000 euros par an, si l'université passe, qui seront, disons, dévolus à la certification des comptes. Autre petite surprise, la PA façon. Au jour d'aujourd'hui, quand on est dans un établissement, donc vous avez compris, vieux style, ancien style, non encore moderne et non modernisé, on ne paie pas les bulletins de salaire, la publication, l'édition des bulletins de salaire pour les fonctionnaires en l'État, c'est le trésorier payeur général qui le fait gratuitement. Et bien avec le passage responsabilité et compétences élargies, désormais c'est le trésorier payeur général qui va le faire, mais contre 1,50€ par bulletin de paie. Oui, oui, c'est-à-dire que, évidemment, ça fait partie de la compétence, puisque on a bien compris qu'à terme, ces activités qui ne sont pas véritablement le cœur de métier de l'université devront être externalisées. Donc c'est la première étape. D'ailleurs, la CPU le demande et veut avoir la liberté et l'autonomie de choisir ceux qui seront ses prestataires donc, de services. Pour l'instant, il s'agit simplement donc, de payer ce qui était fait gratuitement, mais à terme, ça relèvera vraisemblablement d'une politique d'externalisation au nom des nécessaires économies, etc., et du cœur du métier. Vous connaissez le discours par cœur. Alors, autre liberté promise par les responsabilités compétences élargies, c'est comme tout à l'heure, c'est évidemment la possibilité de jouer avec des masses qui sont beaucoup plus importantes, et notamment la possibilité d'enlever des éléments du personnel pour le faire passer au fonctionnement ou à l'investissement. C'est ce qu'on appelle, c'était dit tout à l'heure, la fongibilité asymétrique, mais il nous a tout de suite été rappelé tout à l'heure que naturellement, si elle est asymétrique, c'est que vous avez jamais le droit de passer du fonctionnement au personnel. Donc l'université, et a priori ça peut se comprendre, on n'est pas là pour créer des fonctionnaires d'État, donc ça relève de l'État, du budget de l'État et de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, le problème qu'on a identifié tout à l'heure, c'est-à-dire le sous-encadrement d'enseignants et de personnel administratif, ne pourra pas être réglé de cette façon, sauf peut-être avec le recours à des personnels précaires, puisque vous le savez, grâce à la responsabilité et compétences élargies des universités, le président pourra désormais embaucher des enseignants-chercheurs, non seulement en CDD, mais en CDI. CDI, c'est-à-dire donc en contrat de droit privé, et comme c'est même reconnu par le président de l'Université de Franche-Comté, hein, le contexte n'est pas la création d'emplois dans le service public, ça signifie que ça va être très rapidement la seule solution. Vous avez commencé à chaque fois, on vous dit, sans doute certains d'entre vous ont participé à des conseils d'administration divers et variés, et puis quand arrive à la question du taux de précarité, 30% en général dans les universités, c'est 30% à l'université dans le droit, et puis on dit, on est contre, mais on vote pour, parce que c'est ça, pour rien. Et on voit très bien comment désormais ça va toucher également les enseignants-chercheurs qui jusqu'à présent étaient un peu protégés, ce qui a souvent fait dire à nos collègues Biatos que nous allions découvrir les joies de la loi LRU et qu'ils en connaissaient en quelque sorte déjà auparavant les effets parce que ce mouvement de précarisation et de privatisation, d'externalisation, ils le connaissent depuis belle lurette. Alors, parmi les autres dépenses également nouvelles qui vont avec ce passage au RCE, il y a leur contribution au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, puisque vous savez, il faut 6%. Tant qu'on n'est pas autonome, c'est le chiffre globalisé à l'échelle de la fonction publique d'État. À partir du moment où l'établissement en responsabilité élargie, eh bien, on calcule à l'échelle de l'établissement. Donc, brutalement, si on prend le cas de Paris Descartes, eh bien, on est censé passer de 20 000 euros par an à 400 000 euros par an. Donc, voilà les petites surprises. Je vous rappelle que pour les universités pilotes qui avaient accepté de passer au RCE les premiers, hein, le 1er janvier 2009, Valérie Pécresse leur avait promis 250 000 euros. Alors, vous ferez la liste de toutes les dépenses qui viennent s'ajouter, vous verrez que les 250 000 euros sont vite avalés et que forcément, on sera bien obligé de puiser quelque part. Donc finalement, si on fait le tour, je pourrais développer ce qu'il y en a d'autres, le capital d'essai, etc., mais peu importe. Si on fait le tour, on voit que c'est des charges financières nouvelles qui apparaissent, que le problème central des universités françaises, le problème de personnel, je ne parle même pas des bâtiments, n'est pas réglé. Donc la seule solution qui va rester aux universités, c'est les ressources propres. C'est développer les ressources propres pour essayer, en quelque sorte, de pallier à la fois à ces besoins nouveaux, mais aussi aux besoins anciens, structurels et traditionnels, qui ne sont pas couverts par la dotation globale de fonctionnement. On voit que ce mouvement est à l'œuvre, mais après, je dirais en quelque sorte, c'est à chacun de se dire si véritablement elle considère que c'est une bonne chose pour un service public d'être financé de la sorte. Je crois que c'est le fond du problème, que ce soit d'ailleurs par des entreprises privées ou même par des collectivités territoriales, car on sait bien que pour un certain nombre de champs de recherche, il est très délicat de se faire financer par des collectivités territoriales qui veulent un rendu rapide, et puis qui imposent des problématiques de recherche en lien avec tel ou tel secteur de l'économie régionale. Puis moi, je fais de l'Antiquité grecque. Dans le Sud-Ouest, j'ai intérêt à me remettre à l'Antiquité romaine rapidement. Parce qu'à moins que je retrouve une cité grecque rapidement, j'ai plus de chances d'avoir un financement des conseils régionaux. En revanche, si je fais de l'archéologie romaine, alors là, ça va très bien, et je peux aller espérer récupérer des budgets auprès de la région. Donc, en quelque sorte, je suis condamné à court terme, vous l'avez compris. Alors, donc, pour terminer, pour laisser au débat le temps de s'installer, moi je dirais que, au fond, s'il n'y avait qu'une seule raison à s'opposer à ce passage, c'est leur caractère obligatoire et forcé. Alors là, évidemment, j'extrais mon discours de la HESS, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez curieux qui devrait tous nous mettre la puce à l'oreille, que le ministère, dans sa grande bonté, nous impose de voter pour une mesure qui est si bonne pour nous. Si elle était si bonne pour nous, ben, il n'avait qu'à directement dire qu'on y passait à telle date, etc. Il y a un côté, si vous voulez, qui est extrêmement pervers, de demander aux universitaires de se saborder eux-mêmes, parce qu'on voit très bien que c'est un effet de cliquet qui va jouer. Parce que même si certains rêvent au grand soir de 2012, eh bien, ce sera politiquement très difficile d'expliquer pourquoi ce qu'on a voté en conseil d'administration est catastrophique et qu'on souhaite revenir en arrière, alors que finalement, toutes les critiques auront, enfin, tout, au moins une bonne partie de ces critiques auront déjà été faites. Donc c'est pour ça que j'ai dit un refus raisonné. Raisonné parce que c'est en quelque sorte en lien avec l'analyse que je viens de développer devant vous, mais je l'ai appelé dans un autre texte un refus républicain. Car pour moi, à partir du moment où on met un pistolet sur la table et qu'on me demande de voter, par principe, je vote non, parce que sinon c'est pas la peine de voter. Et je trouve que cette loi LRU qui a été décrite tout à l'heure, de plus en plus, eh bien, nous amène au vote forcé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. On est d'accord avec vous. On sait que c'est pas bien, etc. Mais nous n'avons pas d'autre solution. Ce syndrome TINA, ça veut dire non alternative, moi me fatigue profondément, et je finis par penser que la première alternative, ou du moins la création d'une alternative, c'est de dire non. Voilà, merci.